Toujours à l'occasion de la journée du soleil, le conseil du Fonds Kim Il-sung Kim Jong-il a fait parvenir une corbeille de fleurs au dirigeant suprême Kim Jong-un. Elle a été transmise le 12 courant à un cadre coréen intéressé. Par ailleurs, le même jour, l'administrateur général adjoint d'honneur du dit conseil Setulgun a offert une corbeille de fleurs au dirigeant suprême coréen.